السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يشكر للناس الإمام البخاري رحمه الله تعالى نمنشن en chapitre « Celui qui ne remercie pas les gens ». C'est-à-dire, celui qui ne remercie pas les gens suite à leur bienfaisance, à leur générosité envers lui, a eu un mauvais comportement. Du fait qu'il a contredit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a contredit les us et coutumes, et il a contredit les nobles caractères. Et ce qui lui incombait face à la bienfaisance d'une personne était de se montrer reconnaissant face à elle, d'invoquer en sa faveur, de la rétribuer et de faire ses éloges. الإمام البخاري رحمه الله تعالى نجي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Selon أبي هريرة رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas Allah, plutôt celui qui ne remercie pas Allah, ou plutôt n'aura pas remercié Allah, celui qui ne remercie pas les gens. N'aura pas remercié Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui ne remercie pas les gens pour leur bienfaisance n'aura pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, car il aura désobéi à ce qu'Allah azza wa jal nous a ordonné et légiféré comme obligation de reconnaissance. Car Allah azza wa jal nous a ordonné al-shukr, nous a ordonné la reconnaissance. Ainsi, cette personne aura contredit la religion d'Allah Azza wa Jal. En cela, elle n'aura pas été reconnaissante envers Allah Azza wa Jal, son Seigneur. Deuxièmement, donc, il ne lui a pas obéi, il n'a pas obéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et ceci fait partie de la reconnaissance. Deuxièmement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait parvenir ce bienfait en lui envoyant l'un de ses serviteurs. Il en a fait une cause pour toucher son serviteur d'un bienfait. C'est Allah Azza wa Jal qui a mis dans son cœur l'envie de te faire du bien. C'est Allah Azza wa Jal qui a mis dans ses mains les richesses par lesquelles il va pouvoir te faire du bien. Ainsi, tu n'auras pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne remercies pas celui qu'Allah azza wa jalla a utilisé en tant que cause pour te faire parvenir ce bienfait. Ici, pour finir, on attire notre attention sur le fait que la personne qui est incapable, incompétente pour se montrer reconnaissante devant un peu de bienfait et de bienfaisance, à plus forte raison, il sera incompétent et incapable de se montrer reconnaissant pour les grands bienfaits, les grandes donations émanant de son Seigneur, son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Car les bienfaits d'Allah sont comme il nous le dit dans le Coran. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Donc on retient que parmi le noble comportement, les bons caractères, il y a la reconnaissance face à la bienfaisance que l'on reçoit de la part des gens. Et que celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'aura pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس أخرجي قالت لا أخرج إلا كارهها. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah le Très-Haut dit: ta lame sort. Elle répondit: je ne sors qu'avec désagrément. Je ne sors qu'avec désagrément. Cette parole mentionnée ici signifie que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'âme de sortir du corps du serviteur, de la créature, elle ne sort qu'avec désagrément, car elle s'est habituée à cet endroit, car elle a longuement accompagné cette personne. Elle y est donc attachée. Et ce hadith n'a pas de lien direct avec ce chapitre. Ce hadith n'a pas de lien direct avec ce chapitre relatif à la reconnaissance. Mais certains qui ont réuni et compilé, certains compilateurs du livre Al-Adab al-Mufrad ont mentionné cela comme suite du hadith précédent. Le chapitre suivant, Babun ma'unatur rajuli akha. Le chapitre suivant, l'aide qu'accorde l'homme à son frère. Le soutien de l'homme à son frère. C'est-à-dire le mérite d'aider ses frères. Le mérite est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le hadith de Abi Dharr رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل وفي رواية عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير وفي رواية أخرى أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل وفي أخرى قال فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع أخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. Abu Dharr, d'après Abu Dharr, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans une autre version, c'est Abu Dharr qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure œuvre? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, la foi en Allah et la lutte dans sa voie. Puis on demanda, qui est le meilleur affranchi? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vaut le plus cher et qui est le plus précieux auprès de sa famille. Puis on demanda, et si je ne peux accomplir certaines œuvres? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, tu aides celui qui œuvre. Tu aides l'artisan, ou tu fabriques un vêtement à celui qui en a besoin. Puis on demanda encore, « Et si je suis faible ?» Il lui répondit alors, « Préserve les gens de ton mal, cela sera une aumône, et dépense-la pour toi. » Meilleur que cette traduction, préserve les gens de ton mal, ceci sera une aumône que tu fais pour ta propre personne. Ceci sera une aumône que tu feras pour ta propre personne. Ce hadith, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala l'a mentionné pour nous indiquer le mérite qu'il y a à aider ses frères. Et la question posée, quelle est la meilleure des œuvres? Quelle est la meilleure œuvre? Nous montre, et cela est très récurrent, la haute détermination des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'accomplissement des bonnes œuvres et leur désir ardent d'amasser d'énormes et d'innombrables hasanat, bonnes œuvres. Ils cherchaient constamment à connaître les bonnes œuvres et quelles sont les meilleures des bonnes œuvres. Tout cela nous montre leur sincérité et leur véracité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la base du bien est la science et la connaissance. Car sans connaître les meilleures des œuvres, sans avoir connaissance de ce noble chapitre, il se peut que la personne dépense énormément de son temps, de ses forces, de ses biens, dans des œuvres qui sont bonnes et correctes, mais autres que celles-ci sont bien meilleures et peut-être même plus accessibles à cette personne, mais malheureusement, de par son ignorance, il ne les a pas accomplies. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que la meilleure des œuvres est la foi en Allah. La foi en Allah, avec cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on tire une grande leçon dans la croyance, qui est que al-a'mal dakhilun fi musamma al-iman. Donc, on tire de ce hadith que les bonnes œuvres font partie intégrante de la foi. Elles composent la foi, elles entrent dans la définition de la foi. Les bonnes œuvres font partie de la foi, car le prophète alayhi salatu wa salam répond à la question: quelles sont les meilleures des œuvres? Il répond: la foi en Allah. Donc, les actes font partie du iman. La foi chez les gens de la sunna est une parole sur la langue, une croyance dans le cœur et des actes avec les membres. Cette foi augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec ou de par sa désobéissance. El-Iman, la foi, est la base dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, son socle, son fondement et la condition d'acceptation des bonnes œuvres. Ainsi, très souvent, on rattache les bonnes œuvres à la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Quiconque fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant. On conditionne l'iman, la foi. On nous dit également: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Et celui qui souhaite l'au-delà, fait les efforts pour l'atteindre, tout en étant croyants. Donc, ceux qui ont les bonnes œuvres, mais avec la foi, voici ceux qui obtiendront les récompenses, voici ceux qui obtiendront la bonne vie, le bonheur et les énormes récompenses dans l'au-delà. Et la foi en Allah, dans tout cela, est la base des piliers de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6, comme dans le hadith de Omar ibn Khattab, hadith Jibril, dans le recueil d'Imam Muslim. Lorsque Jibril alayhi salam a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur la foi, il lui a répondu: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi." La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et avoir foi en la prédestination, qu'elle nous soit favorable ou défavorable. Et la foi en Allah, c'est la base de tout cela. C'est la base de tout cela. On doit croire en l'existence d'Allah. On doit croire qu'il est unique dans ses actes envers ses créatures. C'est le seul créateur, le seul maître, le seul administrateur. On doit croire qu'il est le seul digne d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. On doit croire qu'il a la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms, dans l'ensemble de ses attributs, dans l'ensemble de ses actes, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, on connaît notre Seigneur et on a foi en lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté vers des bonnes œuvres qui nécessitaient des moyens financiers et d'autres des compétences physiques, naam, on lui a dit: vois-tu, si je ne peux accomplir certaines œuvres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsque la personne dit: vois-tu si je ne peux accomplir certaines œuvres, l'incapacité ici, elle est pécuniaire et physique. Elle n'est pas due à la paresse. Elle n'est pas due à la paresse. Mais c'est à cause d'une incapacité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: fatu'inu da'i'an wa fi love sani'an. Tu aides un artisan. Naam. Tu aides un artisan. Donc soit tu aides un pauvre, une personne dans le besoin, une personne qui s'est perdue. Naam. Tu l'orientes. Dans l'autre version, soit tu aides un artisan. Naam. Soit tu aides un artisan. Donc l'artisan a besoin de main-d'œuvre. Pour certaines œuvres, pour certaines actions, il a besoin d'aide. En l'aidant ainsi, tu entres dans les bonnes œuvres. Puis il lui dit: « Autas na'u al-akhraq » où tu aides celui qui n'est pas artisan. Et vous remarquerez qu'il a mentionné en premier lieu le fait d'aider l'artisan. Donc celui qui travaille de ses mains, celui qui a appris un métier, celui qui fait des efforts, qui recherche sa subsistance, qui essaie de ne pas être à la charge d'autrui et de ne pas dépendre des aumônes et des dons. On voit ici le mérite qu'il y a à travailler, le mérite qu'il y a à chercher la subsistance, le mérite qu'il y a à apprendre un métier, le mérite qu'il y a à travailler de ses mains. Et le blâme adressé aux fainéants ou ceux qui ne font pas les causes pour chercher leur subsistance. Les savants nous disent une deuxième explication, c'est qu'on a mentionné l'aide de l'artisan, car celui qui ne travaille pas, les gens ont plus de facilité et le réflexe d'avoir de la pitié et de la compassion pour eux. Mais ils n'auront pas forcément le réflexe de penser que l'artisan, celui qui travaille un peu, a besoin d'aide. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a spécifié, car les gens vont se dire: lui c'est bon, il a un travail, Lui, c'est bon, il est artisan, donc il n'est pas forcément dans le besoin. Donc, afin qu'il ne soit pas du nombre des oubliés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, suite au fait que la personne ait dit « Et si je suis faible ?» Yani même cela, je n'ai pas la capacité de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, tu préserves les gens de ton mal. Ceci sera certes une aumône que tu auras faite pour ta propre personne. En préservant les gens de ton mal, en ne nuisant pas aux gens, en ne faisant pas de mal aux gens, tu fais une sadaqa à ta propre personne. Tu te fais une sadaqa. Donc, la porte de la sadaqa, elle est vaste et elle est ouverte à tout le monde. Elle est vaste et elle est ouverte à tout le monde. Lorsque tu ne nuis pas aux gens, lorsque tu ne causes pas du tort aux gens, et que tu te retiens même lorsque tu en as la capacité, sache que tu fais des sadaqat pour ta propre personne. Le chapitre suivant, Babun Ahlul Ma'ruf fi Dunya Ahlul Ma'ruf fi Akhirah. Le chapitre suivant, les gens du bien, c'est-à-dire qui accomplissent le bien en ce bas monde, seront les gens du bien dans l'au-delà. Les gens du bien dans ce bas monde seront les gens du bien dans l'au-delà. C'est-à-dire que la personne sera ressuscitée et sera réunie dans l'au-delà sur ce qu'elle était dans ce bas monde. Sur ce qu'elle était et faisait dans ce bas monde. Ainsi, on comprend l'importance de semer le bien dans ce bas monde. Car sur ce que nous sommes, nous serons ressuscités. Sur ce que nous sommes, nous serons ressuscités. Donc si tu faisais partie des gens du bien et qui aidaient les autres, tu seras ressuscité ainsi et ta renommée sera celle-ci. Et c'est bien connu que les savants nous disent « Celui qui vit sur une chose, en général, meurt dessus. Et celui qui meurt dessus sera ressuscité dessus, comme a dit le prophète alayhi salat wa salam. » L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit عن قبيصة بن برمة الأسدي قال كن رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. Qabisa ibn Burma al-Asadi radiallahu anhu nous dit, j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai entendu dire, les gens du bien, les gens qui accomplissent le bien en ce bas monde seront les gens du bien dans l'au-delà. Et les gens qui accomplissent le blâmable dans ce bas monde seront les gens du blâmable dans l'au-delà. Seront les gens du blâmable dans l'au-delà. El-Ma'ruf, le bien, c'est un terme général qui englobe tout ce qui a été considéré comme bon dans notre religion. Tout ce qui a été connu comme étant bon dans Mada, dans les us et coutumes, et dans la raison saine. Et dans la raison saine. Donc le ma'ruf s'englobe tout le bien, sans exception. Ça englobe les adorations, ça englobe les bonnes transactions, ça englobe le fait de s'acquitter des devoirs envers les autres, ça englobe la bienfaisance envers les autres. Na'am. Et al-munkar, le blâmable, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est tout ce qui a été reconnu dans notre religion comme étant mauvais. Et tout ce qui a été reconnu dans le commun des gens et dans la raison saine comme étant mauvais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ahlul ma'ruf fi dunya » les gens du bien. Donc ceux qui étaient bienfaisants envers les autres dans ce bas monde, avec la bienfaisance, avec les aumônes, avec les liens, avec l'aide prodiguée aux autres, seront les gens du bien et de la bienfaisance dans l'au-delà. Ici, on peut comprendre de deux manières. Premièrement, ils seront les gens du bien chez Allah subhanahu wa ta'ala dans la récompense. Ils auront une bonne rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les comblera de par ses grâces, leur accordera de ses bienfaits. Le deuxième sens, ils seront les gens de la bienfaisance chez les gens, car Allah Azza wa Jal leur permettra d'intercéder en leur faveur. Il leur permettra d'intercéder en leur faveur, tout comme dans ce bas monde. Il les aidait et était bienfaisant envers eux, avait un mérite sur eux. Allah Azza wa Jal leur donnera également cette position imminente dans l'au-delà en leur accordant l'intercession en leur faveur. Et dans ce sens-là est venu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Inna la'anin la yakunu shuhada'a wa la shufa'a'a yawm al-qiyamah » apporté par l'imam muslim selon Abi Darda radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: certes, ceux qui maudissent ne seront pas aptes à être témoins ni intercesseurs le jour de la résurrection. Naam. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ahlul munkari fid dunya. Donc les gens qui commettaient le blâmable, naam, dans ce bas monde, les gens du mal, les gens qui s'adonnaient à des actes répréhensibles, à des actes sales, à des actes blâmables, à des actes répugnants, à des paroles mauvaises, à des paroles obscènes, à des péchés, de la médisance, du colportage, du mensonge, et ainsi de suite. Ces gens-là seront les gens du mal et du blâmable dans l'au-delà. Donc ils sont ressuscités dans une mauvaise posture, ce sur quoi ils sont décédés. Et dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhumah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam muslim, nous dit: yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit: yub'athu kullu abdin, chaque serviteur sera ressuscité ala ma mata alayhi. Il sera ressuscité ce sur quoi il est mort. Ce sur quoi il est mort. Donc plus tu fais de bonnes œuvres, plus il y a de probabilités que tu décèdes dans une bonne action. Que tu décèdes dans une bonne action. Que tu décèdes alors que tu ne fais pas de tort ni de mal à autrui. Ainsi tu seras ressuscité dans le bien. Tu seras ressuscité dans le bien. Quant aux gens du mal, ils seront ressuscités dans le mal. Ils seront blâmables, ils seront condamnables. Dans ce hadith, il y a et-targhib et et-tarhib. Il y a un encouragement à faire les bonnes œuvres pour faire partie des gens du ma'aruf dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il y a un avertissement, na'am, et une menace quant au fait de se joindre aux gens du mal. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit « Haddathana mu'tamir, qal, zakartu li abi haditha abi Uthman, an Salman, radiallahu anhu, annahu qal, inna ahla al-ma'rufi fi dunya, hum ahlu al-ma'rufi fi l'akhira. Faqal, inni sami'tu min abi Uthman, yuhadithu an Salman, radiallahu anhu, fa'araftu anna dhaka kathak. فَمَا حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا قَطَّ. Donc, le hadith suivant مُعْتَمِرُ a mentionné à son père le hadith de Abu Uthman selon Salman radiallahu anhu, qui dit: les gens de bien en ce bas monde sont les gens de bien dans l'au-delà. Son père lui a dit: j'ai entendu de Abu Uthman qui le rapporte de Salman. Le fils dit: j'ai donc compris que ceci est ainsi. Donc moi je l'avais entendu mentionner ainsi, mais là il y a une chaîne de transmission, j'ai compris que c'était authentique. Puis il a dit: je ne l'ai donc plus raconté à personne. C'est plutôt, wallahu alam, le sens est plutôt qu'il ne l'avait jamais raconté avant d'avoir la chaîne de transmission confirmée par son père. Par la suite, il a pu le mentionner, vu que le hadith nous est parvenu par Mada, par sa cause. Par sa cause. Wallahu a'lam. Donc, on a ici une assise de rappel entre un père et son fils. Et quelle belle assise que celle-ci. L'assise du père avec son enfant qui se rappelle la science, qui se rappelle le bien, l'assise du père avec sa fille, l'assise du père en famille. Wahakada. Naam. Et il, que se rappelle-t-il? Et que se rappellent les contemporains en général? Ça, c'est l'assise des anciens. Qu'est-ce qu'ils mentionnent dans leurs assises? La science. Ils mentionnent les paroles des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En général, les contemporains, ils vont mentionner l'école. Naam. Les sciences profanes. Ils vont mentionner l'argent. Ils vont mentionner le sport. Hein? Ils vont mentionner les choses de ce monde. Mais rares sont ceux qui vont mentionner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs assises. Rares sont ceux qui vont mentionner ce dans quoi il y a le salut du père ou de l'enfant, de la mère ou de la fille dans l'assise. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, sur la traduction des sens du verset, ô vous qui avez cru, préservez-vous vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous dit, c'est-à-dire enseignez-leur et éduquez-les. Enseignez-leur et éduquez-les. Éduquez-les. Il ne faut pas que ton assise dans la famille ne soit que des ordres et des interdits. Il faut qu'il y ait un lien en plus de cela. Il faut qu'il y ait une relation en plus de cela. Un climat qui fait pencher et converger les gens vers toi. Naam. Il ne faut pas que les assises ne soient que des assises de plainte. Il faut un climat qui fasse converger les gens vers toi. Et lorsque les gens ont l'habitude de mentionner que le mal, on a tendance à vouloir s'éloigner d'eux. Particulièrement celles qui ne mentionnent que le mal, que les soucis et que les plaintes. Et lorsqu'il y a un bien, elles ne le mentionnent pas. Wal'iyadhu billah. Donc, Sulayman, donc Al-Mu'tamir, mentionne à son père, Sulayman al-Taymi, rahmatullahi alayhima, un hadith d'Abu Uthman qu'il a entendu de Salman, c'est Salman al-Farisi. C'est Salman al-Farisi. Donc c'est un texte qui est mawquf, qui remonte jusqu'à Salman, la parole du compagnon, c'est cela qu'on appelle un hadith mawquf. Il dit: et les gens du bien dans ce bas monde, naam, seront les gens du bien dans l'au-delà. Seront les gens du bien dans l'au-delà. Puis son père lui mentionne qu'il l'a entendu lui avec la chaîne de transmission. Barakallahu fikum. Le chapitre suivant, Babun inna kulla ma'roufin sadaqa. Le chapitre suivant, tout bien est une aumône. Tout bien est une aumône. À travers ce chapitre, l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala veut nous enseigner la portée large et vaste du terme sadaqa. En comprenant le terme, comme on l'a déjà compris, al-ma'ruf, le bien, na'am, on pourra faire énormément de bien. Et tout bien accompli, l'imam al-Bukhari veut qu'on comprenne désormais que tout bien accompli est une sadaqa. C'est une aumône. Donc son sens est vaste, son sens est large. Il ne se restreint pas à la sadaqa avec l'argent. Non, la sadaqa c'est bien plus vaste, c'est bien plus général que cela. Tout comme le riche a la capacité de faire des sadaqat, le pauvre également a la capacité de faire des aumônes aux riches. Le riche, il peut faire des sadaqat avec l'argent et pas que seulement. Et le pauvre, s'il n'a pas d'argent, il peut faire des sadaqat et cela même aux riches, par exemple en propageant le salam, en le rencontrant avec un visage détendu, en lui souriant, en faisant dua pour lui, en lui enseignant à lui ou à ses enfants ou à ses proches, en lui recommandant le bien, en lui interdisant le mal, avec une bonne parole. Le pauvre peut même faire des sadaqat sur sa propre personne, dans son propre foyer. Car il n'y a pas une bouchée qu'il met dans la bouche de son épouse en recherchant la récompense d'Allah Azza wa Jal, sans que pour cela Allah Azza wa Jal le récompense. Donc c'est une sadaqa. Tout ce qu'il donne pour ses enfants à manger, c'est une sadaqa. Tout ce qu'il donne pour vêtir ses enfants, c'est une sadaqa. Tout, plus étonnant que ça, tout ce qu'il donne pour lui-même, à boire, à manger, comme vêtements, c'est une sadaqa. C'est pour cela, même lorsqu'il lit le Coran, lorsqu'il fait du zikr, toutes les adorations, pour lui, c'est une sadaqa. Ainsi, dans toutes tes œuvres, ya Abdallah, serviteur d'Allah, dans toutes tes œuvres, espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari nous mentionne le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal kullu ma'roufin sadaqa, kullu ma'roufin sadaqa. Voici un hadith, na'am, qui est court et qui est tel une base dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min jawami'i kalimi. Ce hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, fait partie des courts hadiths qu'il est bien et bon d'enseigner aux enfants. Il est bon de lister des hadiths faciles d'accès et de commencer l'enseignement, la mémorisation des hadiths aux enfants par ces hadiths. Na'am. Comme ce hadith-là, kullu ma'roufin sadaqa. Est-ce que ce hadith est difficile à apprendre? Kullu ma'roufin sadaqa. Qui l'a mémorisé? Kullu ma'roufin sadaqa. Ahsant, barakallahu fik, Allahumma barik. Kullu ma'roufin sadaqa. Allahumma barik, ahsant. Donc c'est très simple. Ce hadith-là, on peut tous le mémoriser. Et voyons-le, répétant quatre fois, il a été mémorisé. En le répétant quatre fois, il a été mémorisé par des enfants. Donc, on peut nous l'apprendre et on peut l'enseigner à nos enfants. Et quelle joie plus grande que d'entendre ton enfant réciter la parole de l'homme que tu aimes le plus, que jamais, comme jamais tu n'as aimé une personne avant et comme jamais tu n'aimeras une autre après lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces paroles au sujet desquelles il nous disait نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. Qu'Allah, le prophète sallam disait qu'Allah illumine la personne, et dans l'autre version, le visage de la personne qui aura entendu ma parole et qui l'aura mémorisée, puis l'aura transmise comme il l'a entendue. Puis l'aura transmise comme il l'a, entendue. Donc, ce hadith, il convient de le mémoriser, na'am, et de le faire apprendre. Tout bien est une aumône. Ce hadith nous encourage à faire le bien. Car le bien qui sera accompli sera comptabilisé pour nous comme une aumône. Et le bien est de deux types. Comprends cela. Le bien est de deux types. Le premier type de bien, c'est al-khayrul qasir. C'est naf'ul qasir. C'est le bien, l'utilité, na'am, qui est restreinte à ta propre personne. C'est tout le bien que tu fais, toute utilité que tu avances pour toi-même. Comme quoi? Comme les adorations, comme la lecture du Coran, comme le dhikr, comme le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, tout cela c'est pour toi. Comme les salawat, tout cela c'est pour toi. Donc c'est un naf' qui est qasir, il est restreint sur ta personne. Le deuxième type de bien et d'utilité, c'est al-muta'addi. C'est le bien qui se répercute sur autrui. C'est le bien dont l'utilité, na'am, touche les autres. C'est le bien dont l'utilité touche les autres. Comme quoi? Comme al-da'watu ilallah. Comme quoi? Comme le fait d'inviter les gens à l'islam, comme le fait d'inviter les gens à la sunna, comme le fait d'enseigner, comme le fait de recommander le bien, comme le fait d'interdire le blâmable. Comme le fait de faire des aumônes, d'offrir, de donner de l'argent, de donner des vêtements. Na'am, il fait froid, tu offres une écharpe à une personne, jazakallahu khayran. Tu offres des gants à une personne, jazakallahu khayran. Tu offres un bonnet, tu offres une couverture, tu offres des chaussettes, des vêtements, un manteau. Na'am, tu cherches des gens dans le besoin, tu te renseignes, les parents, les enfants, le nombre, ainsi de suite, des garçons, des filles, et tu achètes et tu leur offres. C'est une des meilleures sadaqas. Na'am. C'est une des meilleures sadaqas. Barakallahu fik, tu donnes à boire, tu donnes à manger, tu offres un livre, tu offres de la science. C'est tout cela fait partie des meilleures sadaqas. Le hadith suivant, عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطيع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. Selon Abu Musa رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: tout musulman doit s'acquitter d'une aumône. Tout musulman doit faire sadaqa, doit faire des aumônes. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Chaque musulman, quotidiennement, chaque jour, a l'obligation de faire des sadaqat, des aumônes. Et ce qui rend obligatoire cela est le bienfait d'Allah Azza wa Jal et sa bienfaisance sur toi. Donc, par reconnaissance face au bienfait d'Allah Azza wa Jal, de t'avoir donné la vie, de t'avoir guidé, de t'avoir donné la santé, de t'avoir donné tes membres, pour chaque os, chaque articulation, tu dois faire une sadaqa. Pour tout ce que tu as, pour ton toit, pour le gîte, l'épouse, les enfants, pour la voiture, pour tout bienfait, tu dois faire un sadaqa pour être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. La personne dit, fa'il lam yajid, s'il ne trouve pas de quoi faire sadaqa, c'est-à-dire, il ne trouve pas d'argent pour pouvoir faire des aumônes, pour pouvoir acheter de la nourriture et à boire et offrir cela aux gens. Il ne trouve pas d'argent pour acheter des vêtements, pour offrir cela aux gens. Na'am. Et ici, on voit le mérite des compagnons. Car lorsqu'ils n'entraient pas dans une catégorie pour faire des bonnes œuvres, ils ne s'arrêtaient pas à là. Mais ils demandaient, et s'ils n'arrivent pas, que peut-il faire? Ça montre que vraiment, ils étaient déterminés pour faire le bien. Ils ne cherchaient pas d'échappatoire, comme ça peut être le cas pour les faibles de foi. Non, eux, ils voulaient participer. Ils voulaient concurrencer. Ils voulaient agir et adorer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, « Faya'tamilu biyadei. » Donc, ils travaillent, na'am, ils travaillent de ses mains. On voit ici, à nouveau, le mérite du travail et de chercher l'argent, la subsistance pour se mettre à l'abri du besoin et pour faire des sadaqat et pour mettre à l'abri sa famille et ceux qui sont sous notre responsabilité du besoin. En travaillant, la personne va se faire du bien à elle-même et elle pourra faire du bien à autrui. Donc Allah Azza wa Jal, donc le prophète sallam ici nous encourage au travail. N'est-ce pas? Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit « Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi » Na'am, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, il nous oriente à aller chercher notre subsistance. Il nous oriente au travail. Et le prophète sallam n'aimait pas voir une personne qui avait la santé ne pas travailler. Abdullah ibn Omar, Omar ibn Khattab. On trouve des paroles des compagnons. Puis des pieux prédécesseurs, Sofiane al-Thawri, radiallahu anhu, il questionnait les étudiants en sciences. Il questionnait les étudiants en sciences et leur demandait, as-tu appris un métier? As-tu une cause de subsistance? Est-ce que tu travailles? Est-ce que... Naam, s'ils disaient non, il leur disait d'aller apprendre un métier pour pouvoir se mettre à l'abri de la dépendance. Pour pouvoir se mettre à l'abri de la dépendance. Ne pas dépendre des aumônes des gens, des dons des gens, et ainsi de suite. Naam. Puis il leur disait de prendre la science. Donc parmi les erreurs, le fait de penser que l'étudiant en science, comme il est au service de l'islam, comme il est au service des gens, comme il apprend, il sacrifie son temps, il dispense la science, alors il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin de nourrir sa famille et autres. Non, ceci est une erreur. Naam, ceci est une erreur. L'étudiant en science doit également travailler. L'étudiant en science doit également essayer d'être la main supérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que al-yadul ulya khayr min al-yadis sufla, que la main du dessus est meilleure que la main qui tend, qui est en dessous. Naam, la main qui donne, si vous voulez, est meilleure que la main qui reçoit. Et pour être la main qui donne, il faut faire des efforts, il faut faire des causes. Il faut travailler de sorte à pouvoir payer tout ce qui est nécessaire pour notre quotidien et le quotidien de ceux qui sont sous notre responsabilité et avoir un surplus pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir faire des sadaqat. Puis la personne a dit « Fa'il lam yastati', s'il n'en a pas la capacité ». À nouveau ici, il ne s'agit pas d'une excuse due à la paresse ou autre, non. Mais une incapacité, soit financière, soit physique. Naam, soit physique. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu aides, naam, celui qui est dans le besoin. Tu aides celui qui est dans le besoin ou celui qui est affligé. Là, on voit, yani ensuite, s'il ne le fait pas, alors qu'il ordonne le bien, le convenable. Naam, la suite du hadith. Naam, faya'muru bil khayr. Il ordonne le bien, ou ya'muru bil ma'ruf. Il ordonne le bien, ou il ordonne le convenable. Donc on voit ici que parmi les aumônes, les sadaqat, le fait de d'orienter les gens vers le bien. Tu leur dis, apprenez votre religion. Apprenez la connaissance d'Allah, subhanahu. Apprenez la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez la connaissance de l'islam. Ce sont les trois fondements sur lesquels nous serons questionnés dans notre tombe. Ce sont les trois fondements qui sont la condition pour obtenir le délice de la foi. Ce sont les trois fondements auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait à se rappeler le matin et le soir. Ce sont les trois fondements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait à se rappeler lors du adhan. Ces trois fondements accompagnent le serviteur toute sa vie et même après sa mort lorsqu'il est enterré. Appelle au bien, appelle les gens à prendre la purification, appelle au bien, appelle les gens à apprendre la salat, appelle au bien, appelle les gens à prendre les conditions de la prière, ses piliers, ses obligations. Appelle au bien, appelle les gens à prendre la zakat. Wa kadha barakallahu fik. Na'am. C'est général. Et chacun a son niveau. Na'am. Chacun a son niveau. Le mufti a son niveau. Le savant a son niveau. Le talib ilm a son niveau. La personne de la masse a son niveau. Le père a son niveau. La mère a son niveau. Le grand frère, la grande sœur, le petit, le grand. Chaque personne, na'am, chaque personne peut prendre sa part ici. On ne te conditionne pas de devenir savant pour orienter les gens. On te conditionne d'être savant de ce vers quoi tu veux les orienter. Naam. Barakallahu fik. La personne a dit, et s'il ne le fait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu en disant, فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرْ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَ. Qu'il s'abstienne de faire le mal, et cela sera pour lui une aumône. Cela sera pour lui une aumône. Ainsi, quand tu n'as pas de bien à donner, le fait de retenir ton mal et de ne pas et de faire en sorte qu'il ne touche pas autrui, il y a en cela une sadaqa sur ta propre personne. Sur ta propre personne. Ainsi, on comprend dans ce hadith que le terme sadaqa et que le terme bien, le bien, na'am, c'est très vaste. Et que dans tout bien accompli, il y a une aumône. Même le mal que l'on retient pour ne pas nuire aux gens, en cela, il y a une aumône. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens du ma'ruf et des gens de la sadaqa. Wallahu a'lam. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبلي الغست حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة ووضع أحدكم صدقة قيل وفي شهوة صدقة قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. Le dernier hadith du chapitre selon Abu Dharr radiallahu anhu. On demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, les gens fortunés sont partis avec les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et ils dépensent en aumône le surplus de leurs biens. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, Allah, ne vous a-t-il pas permis de faire l'aumône aussi? Chaque fois que vous dites « Subhanallah », c'est une aumône. « Alhamdulillah » est une aumône. Et avoir une relation intime avec son épouse est aussi une aumône. Quelqu'un interrogea « Satisfaire un désir est une aumône ?» Il répondit « S'il l'accomplissait dans l'illicite, ne récolterait-il pas un péché ?» Alors il en est de même, en l'accomplissant dans l'illicite, il obtient une récompense. Il obtient une récompense. À nouveau, on voit la haute détermination des compagnons dans la recherche du bien. Lorsqu'ils ont dit « les riches sont partis avec toutes les récompenses », ça n'est pas à la manière des envieux parmi les contemporains. Ça n'est pas à la manière des jaloux face aux bienfaits qu'Allah Azzawajal a donné aux riches musulmans. Non. Mais ici, il s'agit de la concurrence dans l'acheminement vers Allah. Ils veulent faire, ils sont dans une course. Ils veulent arriver chez Allah les premiers. Ils veulent atteindre les hauts degrés du paradis. Ils veulent concurrencer leurs frères riches. C'est pour cela qu'ils ont dit ça au prophète alayhi salat wa salam. C'est une excellente intention. Donc, ils disent qu'ils ont les mêmes œuvres qu'eux, comme la prière et autres, mais du fait qu'ils sont riches, après avoir payé l'ensemble des charges, il leur reste de l'argent. Avec cet argent-là, ils font du bien dans lesquels ils ne peuvent pas être concurrencés par les plus pauvres. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers la vasteté du sens de sadaqa, du terme sadaqa, aumône. Naam. C'est plus vaste que de donner de l'argent. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam développe leur curiosité, développe leur envie, naam, leur motivation, en leur disant: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire des aumônes? Puis il leur dit, le zikr c'est une sadaqa. Donc ici ce sont des exemples, ça n'est pas une liste exhaustive. Il a dit par exemple, subhanallah, alhamdulillah, c'est une aumône. Mais on peut rajouter, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, et ainsi de suite. Toute bonne parole est une sadaqa. Jusqu'à ce que dise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa fi bud'i, al-bud'i, c'est la partie intime. En d'autres termes ici, et dans un rapport avec l'épouse, il y a une sadaqa. Alors les compagnons sont étonnés au point de demander, mais la personne assouvit son désir et elle a une sadaqa, donc des récompenses. Le prophète sallam leur a fait une analogie parfaite pour qu'ils comprennent d'où vient cette grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est que s'ils avaient assouvi leur désir dans l'illicite, ils auraient eu un péché. A l'inverse, en le faisant dans l'illicite, ils ont obtenu une récompense. Et à travers ce hadith, on voit la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il permet aux musulmans de semer de toutes graines sur sa terre pour obtenir dans l'au-delà les meilleures récoltes. Naam, il facilite le bien, puis le récompense en le multipliant avant cela. Donc, il convient aux croyants d'espérer la récompense dans tout ce qu'il fait. Même lorsqu'il ramène à boire chez lui, même lorsqu'il ramène à manger, même lorsqu'il travaille, même lorsqu'il s'amuse avec son enfant, ou il s'amuse avec son épouse, ou il plaisante avec ses parents, et ainsi de suite. Dans chaque action, aussi grande soit-elle, aussi minime soit-elle, espère la récompense de ton Seigneur, car il y a dans cela une sadaqa. Wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik, ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alameen.